avec la mer diaphane. Dans le ciel, les nuages planent, des larmes de joie décollent de Neptune, voyage doucement vers la lune. Les larmes s'étonnent, que ta peau frissonne, ma main comme le vent, les fleurs caressent doucement. Sur le rivage, les méduses s'échouent, elles fondent au soleil, elles t'ont piqué la joue. Ta blessure vermeille attire les abeilles. Ton corps est chaud, je te roule une pelle. Les enfants creusent des trous à la pelle, ils sculptent le sable en château fort, que la mer détruit sans effort. L'ego et l'engueul, ils sont contents. Les wagons, un sourire pétillant. Tu sens la crème solaire, la lumière. Sur le rivage, les méduses s'échouent, elles fondent au soleil, elles t'ont piqué la joue. Ta blessure vermeille attire les abeilles. Taper sur la cuisse, elle est devenue rouge écrevisse. La plage, c'est pas pour toi, l'année prochaine on ira à l'Himalaya. Sur le rivage, les méduses s'échouent, elles fondent au soleil, elles t'ont piqué la joue. Ta blessure